c'est sûr que je refuse de me prendre la tête. Et crois-moi, je te le jure, c'est pas aussi facile à faire. C'est une vraie technique, un travail de tous les jours. Être à fond optimiste, une bonne fois pour toutes. C'est pas à la portée du commun des mortels. L'ambiance ce serait plutôt mère. Que ce monde est cruel. Pour éliminer, tu sais, il faut y mettre du tien. Commencer par faire le tri et pas se prendre la tête pour rien. Faut voir, faut voir. Faut voir, faut voir. Faut voir, faut voir. Le bon côté des choses. Oh, le bon côté des choses. Ce qui est une entrave et qui va te gâcher la vie. Ce qui est très mal, très grave et où tu peux intervenir. Tu t'aperçois très vite que tu peux pas faire grand chose. Ça te rassure aussi et puis tu t'es, ça te repose. Bien sûr, il y a l'attitude et toujours désinvolte. Chez moi, c'est une seconde nature. A priori, y'a rien qui compte. Mais même pas une seconde de faire semblant de porter toute la misère du monde. Faut voir, faut voir. Faut voir, faut voir. Faut voir, faut voir. Le bon côté des choses. Oh, le bon côté des choses. Les champions des arnaqueurs et plus des proches de circonstances. Les mêmes qui détiennent les bonnes mœurs et le bon goût. Le bon droit, les bonnes manières et puis la vérité surtout. Ça marche pas comme ça, il y a peu pour tout le monde. Et heureusement ma foi, il y a des bruits, des roussés, des blondes. À chaque sa solution, à chaque sa vérité. Ça fait chier plus de mais faut pas tout dramatiser. Faut voir, faut voir. Faut voir, faut voir. Faut voir, faut voir. Le bon côté des choses. Oh, le bon côté des choses. Arrêtez de se plaindre, de gémir, de souffrir, de se complir dans son désespoir. De temps en temps, de temps en temps, pensez à sourire.